بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قدر العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه في الفصل الثاني والثلاثين من كتابه رمح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم والرابع دوام محافظة على الصلوات الخمس في الجماعات والأمور الشرعية وفي الجزء الأول من جواهر المعاني وشرطه المحافظة على الصلوات في وقتها في الجماعات إن أمكن وقال في أول الرسائل وشرطه المحافظة على الصلوات في الجماعة والأمور الشرعية إلى آخره. كن لولو موي بونك بي نيو فوين بي خا نفا لنتول دي جوتا بي ويس موي سامونتي جورومي جولي تي وقتو وي اك تي مبولوي تي لولو تي مانام نيغي نونو مانام اتي شريعي mbiru sharia yi lolo nak gisone nañ ci jotay bi wessu ay mbir yo xamantene da fay lekkelo ak walu atay manam julli mbolo yi ci li ci borom xoxam yi ñew manam de manière générale ci l'islam bi nonu et que globalement nonu ñuko indé ci sharia bi lolu rek le sidi ahmed tidiane radhiyallahu insisté ci walu tariqa bi en fait dulu bes lu mu indi né kuy tidiane mën da ngay def li ku dul tidiane do ko def mbir mi demout non voilà manam mbir mi demout non mais da fekk né da fay insisté ci walu sharia yi de manière générale et que li ëpp solo ci walu sharia yi moy julli comme que nak mom moy julli comme le alcorane hafizu ala salawati was salatu wasta wa qumu lillahi qanitin na ngeen di samonté ak julli hein particulièrement julli gi nga xamné moy wu digg doom gi mom moy salatu asr comme ni mu ñëwé ci qiraa abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu ala salawati was salatu wasta salatu asr wa qumu lillahi qanitin qiraa bobu manam kon moy julli takusan ak tamit hadith yu bari yu wone salatul wusta moy julli takusan comme ni nga xamne tamit parce que borom xam xami rahmatullah alayhim ci bob masala amna fuk wax ak jurom ñaar yu ñu indi ci wax ne mom moy salatul wusta sauf que salat lima gis kima gis mu gën ko énumérer nonu ba para tek ko ba para mu simple également moy al imam ash-shawkani rahmalahu ta'ala nayl al-awta ci mas'ala bobu mu wax ne salatul wusta wala borokh ko rahmatullahi alayhi wala niñ ci wuté mais buñ xolé dal li liñ gëna jappalé liñ gëna dëgeural mom moy ni julli takusan comme nak julli takusan mom moy salatul wusta comme li yentim sallallahu alayhi wasallam mala allahu quburuhum naran shaghaluna an qatalahum allah shaghaluna an salati wasta salati al-asr moy jouru honey manam dedet do honey khandak munay yanti sallallahu alayhi wasallam wala mais yalna yalla fessal sen bammeli manam yeferi sen bammeli safara ndax yalla len yalla reub ndax ñom préoccupé nañu ba tax julli wuñu julli bi nga xamne moy bu digg doomu bi salatu musta légui mais bobu benn mbir dina ñew fofu benn question dina ñew moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam lan mom moy tax bo waxtu bobu non bo xole jour bobu julli wuñu won julli takusan d'ailleurs même timis ki même tisbar tisbar bi tamit julli wuñ manam mom julli wuko won yanti sallallahu alayhi wasallam jour bobu ndax dañu préoccupé won ci xex ak yéféri manam ci di xex ak yéféri ci jihad bobu non lolou mom motax julli wuñ ko won mais da fekk nak bobu liñu tuddé salatul khawf ñogul won waccagul won manam salatu khawf waccagul won lolo tax borom xam rahmatullah lu upp ci ñom di wax ne atté la bo xamantene mbir la bo xamantene dafa folé ko manam dafa folé ko ndax at salatu khawf moy julli bi nga xamne mom lañu julli période gu xex xare période guerre lolo mom motax moy dañu imam bi dañ ñew taxaw am mbolo bi ñu ñew taxawando ak mom solo nak fi non yi fété mu am nu ñuy julle mais bo xolé alcorane bi mu ñëwaaté di wax ci walu julli go manam bon loolu bëgguñu tuddu gu manam motax mais imam bi mboro mi dañuy ñëw ñaar manam dañuy xajalo def ñaari groupe solo nak ni ki bi ni ñu taxawé dafa am façon bu ñu julle manam solo ndax non yi dañu nekk ci kanam wala ci ginnaw lañ né wala ci angle yi wala et cetera manam par rapport ak tibla bi dafa am nu ñu julle voilà solo lool mais sino xétu bu fekkante na salatu khawf bobu julli bobu manam nga xamantene imam bi day taxaw ñu xaat gaay ñaari xaat bu fekkene legi budé manam legi bu fekkene na julli bi julli suba la xamna ñaar rakka la ñom manam imam bi day jité nit ñi manam benn mbolo bi benn rakka benen mbolo bi mu jité len benen rakka wala bok ñu julle ndo ñaar rakka yo xamantene ñen ñi dañuy taxaw di garder ci ginnaw manam bu imam bi demé bo roko ba wara djug manam ci lañu ci dess di gaaw def liñu def djugat fekk ci imam bi ci ñaarel raka bi manam loolu benn xéetu djulli yu la benen xéet bi mom moy ñu def kenn ku ci nekk benn raka surtout ko budé dañuy wañu djulli comme tisbar ndax xam nga ak takusan nga xamné dañu nekk di tukki en même temps di xex xex la kon dañuy wañu walu djulli bu ñu wañé djulli bi niki lolu tamit manam kenn ku ci nekk benn raka ngay djulli ci ginnaw imam bi ñi dañuy ñew kabar imam bi djok manam ñe di len xaar manam le temps que imam bi la ta muy djok ci deuxième bi ñi ci dess dañuy ñew delu ci legui bu ko defé su imam bi djogé manam ñaaral raka bi ñen ñi ñew ñe dem kon manam dem pour garder bu ko defé su ñaré su démé bo wara selmal manam ñi ci dess fekk selmalu ñom selmalu mais après dañuy delu ci wa fek ñi seulmal dem ñom buñ delu ci seulmal ak imam bi seulmal manam yoy yeb ay xéet la yo xamantene mais ay façon la dal manam du benn façon rek lañuy jullé salatul khawf tout dépend ci situation yi mais lolu waccagul won donc lolu benn la ñaarel bi mom moy leg leg situation yu mel non mën na arriver nit mais moy nit ki tamit leg leg comme tay julli bo xamantene nit ki day daw di daxé di am kou muy daxé par exemple ko xamantene wala ñom ñukoy daxé so dañ koy daxé té bu taxawé manam bu bayé daw bi wala bu arrêté comme auto bi manam dañ koy daw wala bok suko mu am ko xamantene danger la manam danger public la mom lañuy daqé manam mom par exemple policier la wala ki et cetera té bu arrêté julli waji day recc yoy yep tamit manam day def julli bobu non mom la alcorane wax tek ci aya bi na fa in khiftum farijalan aw rukbana su fekkene da ngeen nek ci situation yu mel non ragal gogou d'insécurité bobu moy fa im xiftum situation d'insécurité kon fa rijalan manam ngeen jëfandiko seen ay tank aw rukubanal wala ngeen jëfandiko ngeen war manam ngeen di julli manam moy lan moy waxtu julli bi do len ci gennu da ngeen di julli da ngeen di dañuy daw manam da ngeen di daqé hein wala bok manam da ngeen di daw di julli wala bok nga nek mom lañ wax tamit salatu amna luñ ko luñu tuddé salatu musayafa manam moy julli go xamantene gaay dañuy julli mais dañuy moment biñuy doorante ay jassé moment biñuy doorante ay jassé tamit dañuy julli c'est à dire que pour wax la né la amul c'est que moment bi ngay dorante jassi ci bopum dañ lay wax ne la moment bobu sax da ngay julli mais bonne circonstance nga meuna trouver nan non c'est que affaire bi ni mu démé monuma julli amul ben circonstance bo meuna layé mais c'est parce que situation bi ni mu démé la c'est que fimay liggéey ni la mel c'est que dëkk bi ni la mel wala yoyu ba tax nga ni duma julli heure amul sharia amul fenn fu mu lay may amul non c'est que lolu fu mu léra amul situation nu muy tang tang wala lu muy xat xat bañu may la waxtu yu jaar ba genn te julli wo sharia am du ko def xolal moy deggu rewo mais bu doy bu xat sax señ bi mën nga ne damay dem toilette deug toilette dal sa ki wa c'est que xam nga julli ci toilette bok na ci li nga xamantene dañ koy téré wa mais mën nga par exemple yu mel non su amé mën nga julli ci sa xel fi nga taxaw lool moy le pire bi nga wona def moy comme salatu musaafa té lool mom moy le pire waxuma na nek mais de manam situation dañu ñëw rek way parce que li rek damay jullé non non dédé faut vraiment comme nek extrême extrême extrême extrême mais julli mom moy li nga xamné parce que lool il faut mu lér parce que damay bañ ñu comprendre mbir mi no xamantene affaire du démon non c'est que xam nga leg leg ñun liñu li graw ci ñun moy dañuy ubbi defal ay fatwa yo xamné dañuy jema manam lo so fini di mu no fajul mais bay ko wacc bay mo wacc bo ni musique mais ko julli tranquillement bo jul lolu sax la manam nonu manam waxako anam go xamne dañuy simplifier mbir bi wala ko damay jël car rapide parce que Dakar lay liggéey te pikir la dekk yaangi deg mu jëlé car rapide bi mu leer man ni bala ma yegg heure bi jël heure bi jot heure bi wess manam ce qui veut légui ñu la no bayal no ba yegg ci kër gi Allah subhanallah ha ce qui veut dire que nit ki bu fekkante na amul gar ndax khalisu Bureyda al-Aslami radiyallahu anhu bi nek ci sahih yanabi sallallahu alayhi wasallam sahih imam al-bukhari yanabi sallallahu alayhi wasallam dani man taraka salat al-asr faqad habita amalu ku bayyi julli takusam se djuf yi nga musul def yeb yakul parce que bu roxo xawi dañu wuti rahmatullahi alayhi ci nan lañu tekke faqad habita amaluhu bob mom def ji yakul amna ño xamne dañ ni manam jëfu bis bi mo yaq am ño xamantene dañ ni manam ce qui veut dire que lima defon ci suwo ba legi kon mom mo yaq lolu ben xéttu deggul la moy la buma bayam donc ce qui veut dire que jour tak san bi nga bayyi bis bobu la mais lolu donc teunk la go xamantene comme niñ ko giss won biñu giss ci giss yayyibi sallallahu alayhi wasallam teunk la ko amul lukoy wone lukoy waram té boko xolé bon amna ño xamné dañ ni ki saxo di bayyi takusan la manam tous les jours ngay bayyi takusan té lolu tamit kon ce qui veut dire que djifum day yapp mais lolu tamit bu fekkonté né lolu rek la wax di duma tax parce que ki dul julli kon sa ngir ki dul julli rek lañ wax comme niko ñeneen ñi di wax ni nga xamné dañ né yenn ci borom xol rahmatullah dañ né ki dul julli tax manam ki dul julli ce qui veut dire que ni dañu tuddu tak sar gi non nak ngir importance waye julli rek la mais lolu tamit taxul ñu wax mais parce que li lay wone djefum yep moy yaqku ñaar mbir la bu ndeuk bi mom moy hadithu abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu anhu bi nga xamantene exactement même wax ji la dafa jégué wanto mi ngi ci sahih batay yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne man taraka salat al-asr faka annama wutira min ahlihi wa malihi ki nga xamantene dafa julli dafa bayyi manam julli takusam mune mi ngi melni c'est comme si dafa ñew manam te comme si tay mu liggey won rek ñew dugg ci biir kër gi gisatul alal gi gisatul doom njabotam xam nga moy fa nama wutira min ahli wa malihi manam moy c'est comme si daf ko ñak manam bu manam ñak ko mais ñak gogou wuti ra moy daf ko ñak ñakil wo xamne xamul fu mu jaar manam ce qui fait que mi ngi ci perpétuer manam inquiétude ak parce que xam nga yow mu leer na ni fi lañ jaar ak li li ki dañ ko jël wala li lañ ko ki ko def ni wala et cetera wala ñi ñoo leen kidnappé wala dañ leen ray wala yoy lool xam mo gëna sedd mo gëna sedd nga ñew gisoo leen xamu fu ñu jaar té mu leer na ni ñi ngi ci danger wala nek nañ ci ba paré xamul lolo gëna graw donc ce qui veut dire que ni kon manam lepp la ñak yow yow mi wax ne manam yow yent bi sallallahu alayhi wasallam comparé na ben takusan bo bayyi ci nga ñak sa mbolam alal yi nga am ak sa mbolam jabot yi nga am yent bi sallallahu alayhi wasallam comparé nako manam lolu manam moy tashbihul a'la adna bil a'la wala bo contraire tashbihul a'la bil adna manam dañu melale li gëna soufé ñu comparer ko melale ko ak li gëna kawé mais ça ne veut pas dire que ni parce que ñak julli gogou mo gëna graw que nga perdone sa alal ak sa njabot mais daf ko melale non pour nga am ben imagination approximative par rapport ak affaire bobu baax légui nit ki nga xamantene lolu moko dal yantibi sallallahu alayhi wasallam manam kon wonena ne loy wut ci aduna ak mo meunti tollu bu ko jende ak sa julli koko c'est comme si lolu wax bu ko jende ak sa julli koko c'est comme si lolu wax legui nak mu dess kon lolu day wonani ben julli lay wax parce que du yanumaana muy fekk ne lolu mu wax du mel non fekk ay jul ne manam fekk saxo gi ngoy saxo la wala bok ben yon nga manam li nga perte len rek la dedet manam bu limi comparer ak lolu moy ku perte limu meuse def lepp mais benen moy hadith bu reeda bi radhiyallahu anhu ci bopam ni mu ñew ci sahih imam bukhari rahimahullah ci tekatal moy dafa andon ak gaay bañu gis ni dafa am nir xamuñu ba xam jant bi fu mu tollu mu ne gaay a nan gaaw julli ko parce que normalement takusan jotna te yenen ci sallallahu alayhi wasallam daf ñu ku baali takusan suñu fi yaqku kon lolu ci ngay xamé ni manam du kuko yagga baye mais kuko baye ben yon motax muy wax parce que su doon kuko yagga baye la du ko waxe ci circonstance bu mel non du ko netale ci circonstance bu mel non deng kon lolu ben mbir la manam mbir la mu xam tane bu am solo legui kon sala julli kon lolu sharia ci bopom mo koy bañ ma en dehors de tariqa manam point bi ni da fay fonku lo rek tariqa legui imam da lay fonku lo sharia point bi pour lolu donc julli bi manam da nga wara samonté ak affaire bobu non lolu da fa nek lu ragné ko ragné legui tay su fekkete nit ki xeyna dafa nek ci comme par exemple exemple biñ la jox sank mom moy exemple ñi nga xamantene par exemple ñom ñoy médecin yi par exemple wala ñi liggéey yo xamantene xeyna manam mënuñu ko bayyi parce que par exemple machine bi mënuñu ko arrêter dem julli ji té mënuñu ko et cetera yoy cas de figure yoy yep non lay démé manam da ngay gis comme par exemple médecin bi nga xamné day opérer manam par exemple midi lay dugg bloc opérateur midi mi ngi genn par exemple 18h fekk na par exemple ci hiver bi day fekk tisbar jotagul jamono jël mais day fekk timis jotna ci jamono ji ci dess ce qui veut dire que ni tisbar ak takusan kon ci bir bloc opérateur bu la koy fekk koku cadre figure bi lim meuna def parce que su baye affaire su baye ki muy opérer dem julli ji waji day dé ah koku day julli ci xelam manam day julli di mais julli ci sa xel limi tekkiwul damay manam limi tekkiwul ne damay xalat ni rek mu jeex dede moy damay wax lima meuna wax di def mouvement yima meuna def sauf que duñ ma teunk ci nima wara djublu nima wara tok par exemple ngeu de duma tok et cetera comme ki nga xamné tamit dafa dugg avion par exemple wala train bo xamantene bon lolou déjà dañ ko war di calculer avant ngay voyager manam boy jënd bi dañ koy natalé mais do bayyi ba ci ba paré jënd ba paré ba ki nan way affaire bi day tomber ci rujulli dédé ya wara xol ndax affaire bi dara tomber mom wa wala dé ba paré mo do nga doga lolou tamit lu ma baye xel la manam mbir bi tamit do ko nat comme yow di tok di on sa ras gi def Je ne sais pas si tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as possibilité ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as mais ñom ñu préféré heure yi nga xamné ci lañu julli ba bara naan heure bobu da fay fekk yoru aéroport suma paré da way ki na may embarquer nangam train dañuy am ay espace de temps te espace yi dañuy reuy wa te fofu mën nañ ko julli fan ci train wa non wa wala ci avion wa ci train wala ci avion voilà mais légui koku possibilité yi mëna def effectivement parce que xam nga julli sahaba ay radiyallahu anhu bon fa jamono tabi'i parce que Hassan al-Basri radiyallahu anhu mon ko don netali te wax ji ni ñew ci sahih Imam al-Bukhari rahimahullah mune ñun daan nañ julli daan nañ nek ci bir bato di julli mais niñ daan def moy bu bato bi wengé bu wengé djublu neena ñun dañuy djublu qibla su wengé ñu daal détourné wu djublu wat qibla en fait qibla bi ci bir dañ koy top ñom dañ koy top ci bir julli bi té bo xolé lolu nonou même le fait que tabi'i ñom nonou manam té parce que mom en fait tabi'i yu makki la bok mom tabi'i la bo xamanteni dafa gis ni ëpp ci sahaba yi radiyallahu anhu voilà parce que d'ailleurs amna ñuy wax sax né sahaba ba parce que ndax le fait que mu yaro ci sayyidat umm salama radiyallahu anha ba bi nga xamanteni ñi ngi jour bi ñuy ray sayyidna usman radiyallahu anhu ñi ngi amon 14 ans Voilà, lolu kon manam ci kon mom du sahaba du won sahaba voilà mais amna ño xamanteni dañ japp ni sahaba la ndax yar gi mu yaro keur sayyidat umm salama radhiyallahu anha nangam et cetera wa khalaf ahlan wala al-hasan ibn abi al-hasan al-basri radhiyallahu anhu rahmuhullah mom tabi'i bu mag bobu mais mom déjà le fait que mom mu wax ni ñom non lañ doon def manam ci nga té ngay comprendre kon ay sa am manam fort probable ay sahaba dañ ci doon and même burul won lool le fait que hadith comme masjidul qibla tayni moy sen djulli bobu hadith abu sa'd ibn mu'alla bi radiyallahu anhu biñu ñewé manam netali né ah qibla da dañ ko soppi fek ñu djublu won ni ñu daal besu ñu djublu nenen manam lool niñ ci ni mu mëna lek lay ci sunu mas'ala bi moy lan moy le fait que qibla bi fi la won mais biñ ko changé manam kon dafa mel qibla bi dafa soppé ku côté biñu djublu manam ñoom ñu djublu wat ci benen qibla bi té daguñu seen djulli bi dañu continuer djulli mais seen bu nek da nga nek ci train par exemple ci lan train waaw train bi di daw waaw train bi di daw waaw waaw waxtu djul fekk la ci bir waaw nga xam fan la djul fan la fété xibi bu fan la fété waaw nga dem fété fofu ah bu nekk ci avion bi par exemple waaw mais loolu la tamit manam mën nga ko parce que loolu am solo manam comme que ki bi moy li nga don wax dem li nga don laj parce que dama gissone dem gaay di tawaf ci kaaba gi manam mais ñu nekk ci kaw di tawaf am dañuy tim kaaba gi moy est ce que ñom am nañ tawaf parce que masala bobu moy parce que en fait juma ak jakka ci sharia suñ ko xese ba samp manam place bobu ba ci djuroom ñaaral asman bi djuma jakkaji la manam même jakkaji la rek niki nonu djum ci souf lepp jakkaji la ce qui veut dire que ni bo fété kaw ak nga fété souf ñoyam ci direction kaaba ji ko 7 niveau en haut 7 niveau en bas han djuroom ñaar asman d'accord waaw deng voilà man ma comprendre voilà donc ce qui veut dire que ni buma nek ci kaw ci avion bi ci kaw sama qibla batay moy direction fan la kaabu di fete rek manam duma julli di fete ci souf mais damay julli fete jakarlo mbiri ni parce que ba tay ma ngi jakarlo kaaba gi parce que kaaba gi yamul rek ci tabakh bi ni mais dafa yek bu ci jurom ñaaral asaman comprendre voilà légui ce qui veut dire que ni tay kon damay djublu fofu té lool man nako xam soit ak amna tableau de bord bu nekk fofu bu may xamé parce que da buy wone trajet bi donc mën na ci xamé direction kaaba gi wala ma yor bu sol wala ba faré djulli bi da dul yagay bo xamantene ki bi dina changer lo bari a moins que mu am ben moment bo xamné avion bi day def ben genre du tour day tourner day jaru jaddu ko a moins que mu am moment non non mais sérieux bu nekké par exemple xam nga avion yi mo ko nekké train peut-être mën nga jox mais bu nekké avion da nga gis une place c'est des places attitrées bu ñene 8A fenêtre moy 8A fenêtre wa légui nak bu avion bi tourner alors que da ngay perdre de vue xibbe bi noy def mais noko perdre de vue alors que par exemple buñu topé li nga wax sank albasir radiyallahu ta'ala buñu jull ci bateau bi ñom bu xibbe bi tourner dañuy tourner wa légui nak bu nekké par exemple avion bi mom dafa def ni avion bu défé ni légui xibbe bi nekké sa ginnaw té yow wéy nga tok ñu wutal la place attitrée ñu né la vous n'avez pas le droit de vous lever de votre siège noy def non mais non xara parce que droit du ci siège bi dañ koy teunk ci moment bi muy décoller ak moment bi muy wacc mais kenn du wax né tout temps da nga war di djou lolu avion waxuñu lu duñ wax lolu donc voilà wala bok mu am ay zone moment yo xamné ci zone de turbulence lay dugg ak yoy voilà donc yoy ce n'est que ay quelques moments té donc té moment yoy té waxtu djulli ya fa nañ donc nga bayyi ba moment yi nga xamné né mom lañu mëna djulli nga julli ci amma nak xam waxtu julli kagn lay tambali ak tan lay jeex lolou par contre lolou lenen la man lo xamantene kenn ku ne war na ko meuna xam c'est à dire que aussi ben affaire tamit amna nit tamit manam ab jullit day am lu ko jaral lu bon du tuti ab 10 minutes wala 15 minutes bu muy jël pour xam nan lay xamewé waxtu julli lolou dafa ragne ko manam du lo xamantene da no wara tok manam kenn ku ci nek di wax nan mais xawmu ko calendrier bi bindul li calendrier bindul la mais nan lay xamewé waxtu julli lolou dama ko wara xam manam même buma amul calendrier ma meuna xam ba xam heure bi jot na wala jotul ak kagn lay jeex ak kagn la muxtar bi di tambal kagn lay jeex nan lañ ko fi lolou kenn ku ci nek war nga meuna jël peno jëm ko jang xam ko 5 minutes la lay jël wala 10 minutes moko grand maximum jang ko te ko fi voilà mais warul nek lo xamantene man ça dit que parfois de lui poser une question sax manam mbir mi lan la cheytane da war me nit ñi rek wa qult laqad gharra la ayna nasa wastaghalu bima yadurru ba'sa wa lol la rek moy lol may fatale señu amna ben épître bi nga defone ci wéru koor gi doon préciser affaire yoyu wa tal bi ko bëgg inshallah expliquer yoyu may lan li nga wax legui may lan wa lol señ ci wa moko wax wala ya baax mune dama ne deug iblis mi ñu reub dal lor na nit wor na nit ni nax na leen wa duggal na leen ci ay illusion parce que ñi ngay yitté wo fexé na ba ñu yitté wo ci lo xamantene ak wëncu rek ak musiba rek la leen di indi ñom lo rek la ñu préoccupé wu mais du leen duñ préoccupé wu ci li nga xamné deug mom mo leen di jariñ xolal xam sa heure julli kagn lay tambali kagn lay jex jurom rek lañ kagn la tambali ak nan lay xamé ni tambali na muxtar bi naka la ak daruur bi lan la jurom rek lañ beurewul lool nan la koy xamé ak ni mu yombé mais fi lañu nek di préoccupé wu ci yenen lool mën même bu dé jigen di togg sax mën nako jang jamono ji mi togg boutale wala mo yak mu mokal xam ko manam du lo xamantene lu compliqué la té épître bi ni ko expliqué dafa simple quelque simple wa mais même abou c'est qui en fait téré fiqi lolu yo jangale nañ ko nit ñi waxtaan nañ ci lu jeex du xaj et cetera donc lu lo xamantene lu compliqué la wala manam motax bugu ñew ci lolu ci fi parce que amna ñuko gëna manam yuñ bëgg gëna dugg ci question yi yaangi deug legui kon heure ki nga xamantene kon manam waxtu wi de dugg ci mom kon comme manam comme kaw médecin mi wax kaw ki tukki nonu dété amul lulul par exemple pe ki bo période bobu manam munul def lena xam nga tamit ki julli ci avion ki nga xamné par exemple avion amna avion yo xamantene mën nga am place bo julle mais amna avion yo xamné do am fo julle lulul parce que fi nga tok ngay mëna né ci sa siège ngay mëna né ba paré parce que espace yi nga xamantene ñom ñoy nek ci digënté yi tamit nit ñi dañ fay jaar donc do fa mëna julli lulul mais amna yeneen avion man bo démé ci ginnaw da ngay mëna julli donc avion yi dañu wuté déjà dans mes espaces voilà légui mu am comme train tamit non la légui nga xamantene kon day jël waxtu bi yépp man muxtar bek daruri bi yépp lay deug jël koku ah mom moy cadre figure bobu rek wala nit ki nga xamantene par exemple comme kaw ki nga xamné ci machine yoy lay liggéey bon lool nak moy kiñ koy wax moy ki nga xamantene do amul benen lu mu meuna manam benen liggéey bu muy def par exemple tay munu meune liggéey bi munu buma koy def duma julli rek ba paré ci mom rek la manam munuma julli ba paré liggéey bi rek lay def lool do ko meuna wax woba dañ lay la ah de lay ko da ngay soppi liggéey ah oui parce que affaire bi non la demé parce que mënon légui rek motax amna kuma sa wax mënama mais c'est que man liggéey bi dëkk bi nangam duma mëna am taw liggéey julli nangam mais ñoko poser question ba paré bamu don du ci yépp mëna kon yow problème bi du dëkk bi problème bi moy liggéey bi ngay liggéey la parce que dafa am problème yo xamné yow liggéey bi nga bëgg liggéey la problème bi du dëkk bi amna nak akanta ay way buma julé nit ñi dañ may xol buma kiwé lool mom moy li nga xamé na né non kenn duko bayyi xel la la nit ñi di wax dañuy xalaat lan nangam lool moy li nga xamné moy li dul lay wo xamé ni né mo gëna woyé lënd waaw yéyo ñu mëne xamna ci ñoo ay tubaab yo xamné ñoom dañu convertiru té bayyi nañ seen liggéey do xamné ni ci rotonto mo ngoro wax dafa doon liggéey ci benn bureau mu né patron man heure julli dama bëgg di julli patron bi né ko may ko mu jékki gis yenen collègue musulman diko tok mënu ko mënutul nek waji démissioné légui waji chauffeur bus la mais dafa dem nit né wa TCL bu son heure julli jotté dama arrêté bus bi julli té bu julli day arrêté bus bi julli dina ci busam dem donc dafa obligé démissioné ci liggéey dem wuti benen liggéey mais gisuma wolof bu ko def waaw wolof ké lu dem lo wolof yallan leen ya na ya la sam deng mais bon ala kul hal kon lolu en fait lo ci li ñu préciser que buntu bobu voilà manam bu boba kok ni mi def moy kon day julli bu len day julli tisbar da takku sambi day manam da koy day wax lim meuna wax comme le alcorane waxe fa in kufum fa rijalan aw rukbanan non moma bobu wala sa comme ça mu saye fa ni mel moy bu gaay de dorante ke xam nga tay borom subhanahu wa ta'ala dafa def allègement ci bir mom woyefal de telle sorte que nit ki duñ ne ko da ngay ki parce que sinon nonam da koy dal di meuna ñew anam bu ngi ko bëgg rendé ci anam gogu la koy rendé mais borom subhanahu wa ta'ala dafa def woyefal bu mak ci affaire bobu de telle sorte que dañ ko grawul julli par contre julli mom moy nga xamne dula téggé mais nak nga julli li nga meuna wax nga wax ko mouvement yi nga meuna def nga def ko yi nga manul defo comme li alcorane wax fatakhullah mastata'tum ragal len yalla sen kim katan ak li yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam wax imran ibn husayn radiyallahu anhu muneko salli qa'iman fa in lam tastata' fa qa'idan fa in lam tastata' fa ala janb hadis mu nek sahal mo bukhari rahmalah nako na nga julli taxaw soko manul nga tok soko manul fekk dafa amone basou jangore kedo hein ah la da nga xamul fi xaro ah okay si parce que xuluma do baat bi lu fekk mu tuddu jagor rek da nga xamul lan lay tek da ma koy deg mais xam ko basour bo waxe tallo basour basour arab la voilà febar mu tuddu arab ci wa mu tuddu basour ci arab quoi voilà waaw jangoro fajar seigne dour moy nit ki leleg manam ginnaw gi non dafa am ben genre xetu ay goum bo xamantene da ci genné wala ki lay don souvent xetu sax lay don mom day melni sax mo ci genné muy indi ay xetu goum la muy melni tak bu tok tout temps muy genné dara ko wala non non yeen ci bi nak sala sam dañ ko nak julli nga taxaw soko mënul nga tok soko mënul nga jeng parce que non lañu jullé manam nit ki su fekkante ni dafa fièvre bo xamné mënul taxaw wala bok fièvre bu mel non ak situation bu nit ki nekké ba tax mu mel non ñoyam comme tay ku ñu yew ku ñu tak yew ko wala ki nga xamantene dafa nekk ci kaw garab mënul wacc parce que amna gay le gugu tim ci souf mënta wacc ak xet yoy yep koku duñ ne ko grawul bu julli xaaral ba wacc après nga julli tranquillement de sa xel du dal yoy beno ken du ko wax lol dañ nan ankay bu heure julli joté da ngay julli mais awma ndox jappuma nangam ngitim awma fu mu timé parce que ci kaw la né waye julli non julli moy li nga xamné kenn mënul musa ka wané ba julli bi wessu te defo ko koku kenn amul prérogative bi kenn amul kenn seug nak gis nañu vraiment wax deug nak yaay insister vraiment bu baax ci point bi ci ñi wax fonk bu ñu wara fonk c'est waxtu julli ah oui vraiment yaay ki insister bu baax non julli point la ko ri moy upp doole ci diine ci jaamu yalla ci jaamu yalla yi moy jaamu yalla bi upp doole ci jaamu yalla yi moy bi ci upp doole ci lunu jeer comme li yent bi wax rek sallallahu alayhi wasallam khamsu salawat katabahu allah ala al abd bayna al yawmi wal layla فمن حافظها فقد حفظ دينه ولا فقد حافظ على دينه ومن ضيعها فما لسواها اضيع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ميغي سنن انه مسند امام احمد رحمه الله جرومي جولينا يور يالا فراتال تي جامم بي ديغنت غودي اك بتيغي كيب كو سامونتك موم سامونت نا دينم دا لا سامونتك يناني تي ديس kepp ko xamne daf ko doyo dal nak leneen li ci dess yepp doyo dal wax han awi non mais c'est que xolal li seen xajma wax la ben wa tariku awqatan wala li khidmati shaykhihi wa tariku awqatan wa salatan li khidmati shaykhihi ka'abidu awsan biduni mira'i ci hamziyam ki nga xamantene dafa bayyi julli han ne heure julli jotna mais parce que damay ligueyal serigne bi da am luma koy defal motax waxtu julli bi jall na mais julli wuma parce que dafa am serigne bi moy def lo nangam koku ak ki jaamu xeurum ñoyam kep amul ben différence wax du tan han amul ben différence c'est comme boy ligéeyal serigne bi nga xamne moy buntu hadara yalla c'est comme koku lañu la wax ne bo fekente ne taxna nga bayyi waxtu julli jall te julli wulo ngir mom yow yak ki jaamu xeurum yena yam kep muna biduni mira werante amul ci lool c'est comme lolou yow la ngay xalat ci kene wala lenen comme Hussein wax hein mune leg leg ma tassé ben way ne ko mais yow dañ la gëj gi ci jakka ji manam aljuma juma ji aljuma mune ko way tu sais le vendredi je travaille manam damay liggéey té liggéey jaamu yalla la bo dako liggéey ga jaamu yalla la bon en fait buñ né liggéey jaamu yalla la téki wul comme niko wara fi déggé hein parce que wolof bu né liggéey jaamu yalla la lim ci bëgg wax moy jëmbi liggéey ji ci bop moy jaamu yalla alors que du jëmbi liggéey moy jaamu yalla jëmbi liggéey mok yenen mbir yi ñoyam manam comme adat yi la mel adat yi la moy yépp lo xamné dañ koy def de manière générale bu né liggéey jaamu yalla la kon yéfir bi liggéey yeen ñaar lu leen wutale da ngeen xey yeena bok service da yeena bok heure bi ngeen di xey yeena bok heure bi ngeen di wacc tolo salaam mom bossom est ce que jaamu yalla la bu jaamu yalla lan mo différencier sen boss parce que yow yene bi ngi ci dugal ngir jaamoko yalla la motax le fait que nga di ko dugal yene jaamoko yalla nga dugal ci yene di ci def lo xamantene manam ngir mu permettre la nga am def lo xamne lola ci jëmbi bopam après jaamu yalla lay def et cetera lolo mais sinon yif mais sinon jëmbi liguey bi ci bopam du lolo jaamu yalla mais lay la ci yegati legui nak lolu kon ap ki la objectif la manam ap manam ki la moyen moyen nak du yak lan du yak objectif bu deme bo wara yak objectif bi day wëlbe ci ku nek lo xamne mom ci bopam day nen lolu formule ah comme tay par exemple bu don bu may julli xam nga dañu ma damay ruko hein damay ruko ni bu fekkonté nak tay dafa am lo xamanté dama ko doon dimbandiko pour mëna ruko lola dem ba yak ruko gi ci jëmm bi bopam lola day daal yak manam lola boba dimbandiko gi moy daal ségué ko comme liñ wax sank serigne bi moyé la pour la pour yegg ci yalla bu démé ba na la nek ki nga xamanté daf koy daal yak manam boba day daal ségué ko mom ci jëmm bi bopam day wul bëti ku nek do xamanté doon daganat ngay and ak mom parce que obstacle manam voilà moyen bu deme ba nek obstacle pour obstacle dañ koy teggi voilà légui liguey bi yow légui ko wañu né comme manam mom mu né légui mu né wa liguey d'accord na jaamu yalla mais julli tamit jaamu yalla lan motax nga choisir liguey bi nga xamné jaamu yalla ci kaw julli bi nga xamné mom jaamu yalla donc yow manam lay bi nga laye ni jaamu yalla la motax lay wo deug andak me legui nak ñu delu ci andak me même bu fekkonté na limu wax sax deug la julli mo upp doole ke liggey bi ci bopam ci xéet jaamu parce que jaamu la la dum tolo wuñ dañu ko ndi doole hein et cetera bon ala ko le xal min ci djublu yaakaarna fofu tamit leer benen point bi ci bir julli bi batay moy ki nga xamantene da fay wara julli dafa war di fexé bay samonté ak charte doy samonté ak lab manam lab gi kibla yi et cetera lu mu ci mën mu samonté ak mom lu mu ci mënul mu xamné li mënuko bokku ci mbay manam kon lool mom motax julli bi ci jëmi bopam amul dara lu koy mën di empêcher kon parce que da ngay sam par contre sumu ko mëne te samonté mo ak mom comme lien comme fi xam nga tay muy julli taxaw dafa faral na ci man parce que ndax bu ne ko julli nga taxaw qa'iman han mais su ko mënul day lan day tok parce que mënul lool su ko mënul day teud nit ki bu deme ba nga xamantene ay xefam rek la meuna julle sax da koy def ñam yëngal xef bi rek bu deme ba lool rek la man ñam day yëngal xef bi rek benn bu ci nekk day tektale benn rakka mu def ko mais julli amul lenn lu lay luy tax bu do ko def képp nak ko xamantene neenal nako parce que xam nga lutax parce que en fait li tax mu nek charte ni manam ba paré ñu insister ci mom ci bopam moy boko nénalé da nga nénal li nga xamantene moy moyen bi warona tax nga mëna jox ku jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala moyen bi la warona permettre nga jox ku jëm ci yalla moyen bobu nonu mom nga jël nénal ko def ci croix te dindi ko julli sa borom subhanahu wa ta'ala da ko fonku fonku bo xamantene bayiwul nit ñi ñu xol kañ lañ koy def ak kañ lañ ko dul def mom rek moy seul jaamu yalla bi nga xamantene quelle que soit la circonstance dang koy def madame ya nga and ak sala saxal ci na pas le choix waaw mu am ñun ko tara comme jigen ñi gis mbeur ak ñi gis ak yéfer ak xalé bi nga xamantene manam xalé bi téré wuñ koko mais duñ koko tek bi nga xamne majeur ko andak ne borom xom xom rahmatullah alayhi wuté nañ ci xalé bi nga xamantene manam moy sahirun mumayyiz mumayyiz parce que ñaar xalé ñaar xet la dafa am sahirun mumayyiz ak sahirun ghayr mumayyiz manam xalé bo xamantene day mëna rañé ak xalé bi mënta rañé xalé bi mëna rañé manam bu démé ba nga xamantene mat dem na ba amal ba am 6 ans jëm kaw wala 7 ans jëm kaw bobu la yent bi sa sam ne digël leen sen xalé yi moment bobu ñu julli suñu amé fukki at door leen ci kon ñu manam kon xalé bi bu démé ba moment bobu 6 ans jëm kaw dañ koy digël julli manam julli day daal nek lu war ci mom loolu moy mazhab la ci maliki rahmatullah alayhi ñu ñoko wax and ak né ni ëpp ci borom xam xam rahmatullah dañ ni dédé batay lu farata ci mom lu farata ci mom té tamit bo xolé buñ xolé yeen ci sa li tax mu diggal ko mom moy le fait que ñu diggal ko xalé yi moy ñu war moy né wajuri dañu war insister ci loolu ci walu xalé yi waru ñu def rek bayi leen ñoon rek boyal leen non fokk ñu leen di encadrer ci julli parce que dafa am solo légui nak julli yi ci jottaay bi wessu gisson nañ ci ñew aju ci walu julli ci dakk manam niko sharia gisse borom xoxo rahmatullah alayhi tamit niñ ko wa luñ ci wax yeen kon liñu gis moy ne julli bu fekkante ne ci jakk nga koy defé manam manam julli ci jakk dafa nek lo xamanteni fardu ayn la lol mom moy gëna sax parce que julli parce que jakkay tabaxuñ ko pour mu nek nem manam dañ ko def fardu ayn la manam moy jakk il faut mu am ñu fay julle su fekkentene ñepp fardu kifaya la bëgg wax kifaya manam su fekkentene jakkay kenn julli wu fa wa koñ bi yëpp dañu am bakkar buñu toggé tisbar jot jakkay kenn ne wu fa wa koñ bi yëpp dañu am bakkar mais bu amé ñu fa nek mu téggé ku ñu ci dess mu téggé ku ñu ci dess and ak né no mëna def fexel ba julli ci mbolo no mëna def fexel ba lan julli ci mbolo bo la nekké ñaar sax baxna and ak li nga xamanteni moy li gën té gëna mat moy nga dem ci jakka ji lool moy li gëna mat bamou dess su fekkentene cas de figure yi ñu waxon ci jotay bi wessu ci walu ñeñal ñi nga xamantene ñom ñoy ñi jité ko xamantene par exemple julle mom du mat te moy jité ki nga xamantene tamit parce que dafa am benen affaire moy ko xamantene dafa am lakhni manam day yaq bat yi wala bok mënul prononcer bat yi normalement comme mënul wax par exemple to xeyna sax bobu du ñew ci fatha bi mais par exemple ba mënu ko wax mais benen baat la comme da lay wax wala bok par exemple mënul wax a r mais a lay wax wala mënul wax wala yu mel non wala mu yaq yenn baat ci buy tari koku mënul jité lu ko melni mom mënul jité lu ko melni mom motax ku dul mën maxaru manam di wax normalement il faut que koku warul jité nit ñi mom dañ ko war di jité da iman ba mu dess fu fekente na ñam fa nekkal ñom non la mel dax su fekente ne nit ki tamit par exemple manam ce qui veut dire que nit ki bu mënul manam bu fekente ne day yaq baati parce que c'est pas parce que da koy def ko djublu def ko beug mais da ko manou xam nga lolou tamit amna surtout ci ñi nga xamantene arab du sen lak amna ci ñeena ci ñom ñi nga xamantene non lañ mel manam ci ñom la gëna bëri la bëgg wax mais sinon mën na am ci arab yu tamit mais ci ñi dul arab mom la gëna bëri ci ñi mëna mel non surtout bu dé ñom xeyna jangu ñu jang mo xam dañ ni wax du leer ak yoy maintenant nak mi ñi gëna mëna génné baat yi day wuté lool mom du problème bi mais le fait que par exemple xam nga bo mën nga ko waxe ba yeen sa tara ba yoyep ay xéetu génné yoon la mais dal il faut que dal en tout cas muy génn concrètement mais tay mu bëggé wax manam comme par exemple mënul jité comme niñu wax comme ni gaay la wax wala la li na bok non lolu quoi qu'on puisse dire parce que lolu tamit c'est que ñun il faut ñuy wax ñuy wax bir mi mu leer manam su fekk lu mën di xew hein non c'est vrai parce que mënuma ki mënul wax wala balim koku mën na wax limu man parce que lamu bi mo takke nonu xeyna wala ñom ser wa lak yi non lañ mel comme xex couleur yo moy wax wala balim mais mënul wax wala balim xeyna lolu lañ wax mais mo meuna wax wala balin nan wala lalin la wax bu mo meune wax be suma waxi beul sama julli da yakku attention hein parce que alcorane da xaraf yi dañu différencier catégoriquement dañu wouté donc bu mo meune wax be bobu lay wax mais mun mo fe nek nan wa damay wax comme ni sa mam don waxe parce que sa mam mom non la dan waxe alors non lu am solo la comme yitu ko leer di wax tamit de xam nga gul wala ahad gul bu fekente ne mën na wax ul mo wax gul xam nga gul mën nañ ko may ki nga xamantene parce que tukule sen langage mo mel non sen wax yi wala ñom lañuy wax au lieu de te manam parce que te bi dafa metti ci ñom wala wiila la tal gaderi wala bu fekk na ñom non lañ mëna waxe koku problème nekul ci koku problème nekul ci koku mais problème ci ki mu nek moy kiko mëna wax ba paré préférer bayu mom parce que ñom seen mam yi seen papa yi ni lañ wax fofu la problème bi nek mais c'est vrai fofu la problème bi nek hein am ben xétu fierté ethnique wala non lolu bo nekké ci l'islam yoy dang koy jël saniko feul non ay affaireu fierté ethnique ak fierté familiale ak yoy dang koy jël saniko feul ci gannaaw rawat na ci kanamu kaddu borom subhanahu wa ta'ala donc lolou tamit lolou benen affaire la bo xamne matna baye xel maintenant sudul kaddu figure yoy nga xamantene wala bok imam bi mom day comme day julli bu ga wow nga xamantene danaka voilà non la ke wowe jet privé wa deug wala ko xamantene hein da fay nitu bid'a la manam nitu bid'a ak fasiq katcho wam waxon nañ ne manam fek sen bid'a yi du len takfir manam du len yoblo ci kufu rek mën nañu manam li gëna sax moy mën nañu jité mok yefir waxon na la maliki rahmatullah dañ ci xajalo shafi'i ak hanafi shafi'i rahmatullah ne man na ne hanabila rahmatullah gëna dur ñom ne man ta nek comme ni lenn ci maliki rahmatullah wax mais li gëna deugul moy na man na ne parce que katchoore kessé téréw manam parce que katchoor li gëna mag lu ñox moy est-ce que mom bu julé julém dana bax mom bu julé matal condition charte farfay et cetera manam est-ce que en d'autres termes est-ce que manam julli nek nit ku djup da dafa bok ci condition julli bu wer du condition julli bu wer kon mom katchor bi su julle jullem dina wer wala du wer jullem dina wer legui mom bu fekke jullem dina wer lan motax yow sa julli du wer yow mi nek ci ginnaw au moment où deful ci bir julli lu yak julli gi ci jëm bi manam kon bokul ak fe nga xamantene ki prononcer mom moko yak manam dafa manul ki bi donc kokku du jitté du ñu melni mom wala ñu mutalé mais campagne ki nga xamantene mom mais bu fekkentene amul dara ci julli gi strictement lu yak julli gi lan motax mom bu jullé lutax lan motax bu la jitté ci julli yow lu bax ha gisna nak al imam ibnu arabi ibnu arabi ibnu arabi abu bakr na dede rahimahullah al maliki mune man dal borom xom xom yi jaxal nan wa ndax ki nga xamantene wolu wuñ ko ci information bi muy joxe nan lañ koy wolo ci muy jite nit ñi ci jaamu yalla manam parce que pour mom parce que en fait ci ngay comprendre res raisonnement bobu que ni en fait katchor bi ñom dañ ko wolou au moment où mën na ñew ne japp na fekk jappul mën na ñew dem lu yaq ci bir julli gi fekkiul donc ci kaw lool mom jullem du bax manam bo xolé côté bobu di ngay gis manam fi nga xamne pop lañu tek sen ki bobu voilà manam ko xamne wolou wuñ ko ci information nan lañ koy wolo ci jaamu yalla gi gëna mag man daal boro xoxu bi jaaxal nan ma manam pour wax na tane tamit raisonnement bu manam ki wu kadikul manam du raisonnement bu nul bu amul fu mu teggu mais sauf que bi ci dess daf ko gëna deugal parce que quand même katchor bi num katchor ma dama sax na ni julit la dina am ben minimum de respect ci diine ji dina ko am le minimum de respect ci diine ji ba nga xamne duy nangou di yak jullem nonu ci mali foro aussi parce que lool après daf koy engager et surtout que julli la lool dina ko xam surtout bu deme ba war di nek kuy jité surtout bu deme ba war di nek kuy jité voilà voilà et puis tamit comme niñ ko gissé Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dan na jité dan na julli ak ñeneen sahaba dan na julli ci ginnaw xajj et puis li ci waxon yeen tib sallallahu alayhi wasallam lu mu waxon Abu Zar radhiyallahu anhu bimu ne ko noy def ba moy hadith bobu bu gaay dé sagal seen julli mu ne ko digal ma yeenen tib sallallahu alayhi wasallam mu ne ko da ngay julli te bo dé la na par nga julli ci ginnaw imam bi mu nekk nafila pour yow deeng mu nek nafila pour yow kon lolu le fait que muy meuna nek nafila moy wanani djullem ci ginnaw imam bobu baxna parce que su djullem ci ginnaw imam bobu non and ak ne katchor la parce que dafa yexi djulli parce que lolu bakkar bu graw la est ce que xam nga ni bakkaru yexi djulli mo geuna graw yenen bakkar yi ci dess yep ginnaw wokala parce que ñu bari luñu xamul dañu fogné bakari manam hiérarchie wu bakari lañu tonolé wu lañu bolé lañu niveau bi d'ailleurs même khanabi lay rahmatullah alayhi bo gissé manam ak mbolo ci borom xoxam bi manam par exemple ñak julli ci mbolo pour ñom mo gëna graw manam ginnaw bokalé ak bayyi julli de manière générale manam nonu ñak julli ci mbolo lañ tek mu ñettel manam ci kabair yi bakari magi moy mom az-zahabi gis nga ni ndam rahmalah imam az-zahabi ka al kabair mu ko bindu bakari mak 70 waaw ordre bi gis nga ordre bi mu tek waaw non la ko tege manam lol dafa am dafa mata baye xel djibbi bi kay moy top moy numero 3 voilà hein non bokale moy premier bi bokale ñak djulli moy deuxième après ñak djulli ci mbolo moy 4ème 3ème après ray nit do nga ñew ray nit après moy do nga ñew tay hein bolé def ñabar aussi ci top 5 wa non c'est parce que wa lolu après la après ndjabar ak ñom ndialok ñom gaay yu do gënu après ay ñak worma ci sa wajur ak yoyep après ñuy do gënu ay naan sangara lek mbanku gaay ci dess ñom ñoy ñu do gënu hein mais en tout cas lolu limu ci djublu dal moy ni moy point bobu lolou mata baye xel la ci walu julli manam ke ni kacior bi ak ñak jitem manam fofu la teggu manam luñu gën la mais du manam ke ni buñu amé kenen manam mom nañ ko jitté ou bien bu dé par force la imposé wu nangam nangam moy jité rek am wala manam keñu dal julli kacior bi dal baxna parce que likoy woné moy lima la wax sank li yentib sa wax sé na bu zar da jofu ñom ibn omar radhiyallahu parmi tant d'autres ci bir sahaba radhiyallahu anhum et cetera ak tamit le fait que mu nek raisonnement logique tout simplement ndax man ndax mom kacior la d'accord mais suma julle su julle ndax jullem dana bax et cetera bo pare amna benen affaire tam bu mata baye xam benn buntu bo xamni boko ubbe pour mu teju après problème la moy buñ né manam bo ubbe buntu né déjà que ni kacior du jité légui yow ce qui fait que kacior moy lan kacior moy kuy def bakkar bu mak wala mu saxo ci bakkar bu ndaw ko koy kacior légi yow nit ki su fekkante ne manam dañu nek surtout suñu jamono par exemple nga xamné jafé na nga gis nit ko xamné dina amul ayib amul défaut buñ ko mëna tuumal bo ubbé buntu ki du jité ndax kacior la ké manam bo ubbé buntu bobu ubbi nga mbolam buntu tassaro ci communauté bi ci xéne manam takaliko ak ñak diggo ak ñak benno discord indi nga ubbi nga buntu bobu te bobu gëna graw parce que bu boba nit ñi ku leen di jité parce que bu fekkante na da nga ni fop imam bi nekk ko xamne du def bakkar bu mat ba fere du sax ci bakkar bu ndaw hein da fe na trop kuy jité gaay legi mais nak amna ben affaire tamit bu mata baye xel ci bir djulli ci mbolo fofu lañu jéxalé inshallah benen yone ñu yegg la moy comme le alqadi abou wah rahmahullah ki dul djulli ci mbolo bok na ci manam mom dañ koy bolé ci kacior yi du mat sédé sëñ mi nga né ki nga xamné du julli ci mbolo mom buñ dañ koy bolé ci kacior yi du mat sédé manam parce que le fait que mu takko ci bayyi mbolo yi moy wané né mom diiné parce que kacior gi lool moko saxal moy le fait que ñu gis né diiné manam yow atté yalla yi ak diinem ji manam dafa amul doole ci sa xol amul valeur ci sa xol lolo tax ñu mëna wax ni ki kacior la donc lolo ko indi mais comme liñ waxon ci jotay bi wessu keur nit ki su fekkante nak legui ci ñi muy julle masalan xeyna daño nek ño xamne daño ay nitu bid'a lañ wala ñu kont ci rahmatu jani radhiyallahu anhu ci buntu bo manam kon manam dugg ci buntu katchor yi ak yoy lolu kon li nga xamne moy li gën moy manam bu boba julli yow kesse moy ëpp doole bi julli ci mbolo mais nak ci moment yi nga xamantene mënul ñak nga luddul fokk nga julli ci mbolo comme lu demene aljum boba da ngay daal mëna julli ci ñoo mais lu lool rek julli ci julli moy ëpp doole manam julli yow kesse moy ëpp doole surtout que budé am nga benen mbolo bu bokku tak mbolo jakkal manam rek yi ñuy wax yépp nak ci problème wu ñak julli ci mbolo moy nga xamantene du julli ci mbolo du tout mais bu fekkante nak ci nga xamé problème bi nekk ci nit ñi di bëru di julli manam ñepp mëna nekk bu mëna dajé jullé do yow nga bër verse julli da lay julli dal hein wal gravité bi ci nekk wa en tout cas bu benen yone tam ñu yeggale wat ci amna fi señ bi ben question moy bu nekké par exemple da nga dem julli ci jakk waye bu ngay julli ci jakk bi xamul ni par exemple serigne bi mom dafa contre soufi wala dafa contre chef na tidiane radiyallahu anhu maintenant yow ci bir julli bi est ce que mën nga yéné yow nek yow rek ay julli wala est ce que da ngay julli comme si da nga nek ci bolo xam nga ciossal bi bo fekke aw nit ñu julli rek moy da nga war rafet ñor ci ñom nan ngay ñëwé di yaakar né man julli di ki comme xamuluma ko dara kon xeyna mën na nek ko bon kon duma julli ci ginnaw lool moy la waxé la yow déjà boku gissé li nga wara japp ci mom moy lu bax ba kéro ngay am preuve buy wone né le contraire voilà le contraire au moment où donc ko fekk muy jité nité mom dess nak ci xaal bo xamantene yow bi nga ñëwé ni nga gissé jakké ji nim mel ak ñi fi nek ñi ngay faral di gis ñuy mel ni moy ñoy manam loolu boba hein zahir bi la manam zahir mom moy wala mom moy az-zahir fofu mom moy mom manam loolu mu'aradatu bayn al-ma'arada bayn az-zahir wal asl la manam ciosan bi moy ne kon ñu bax la ñu manam ñi melu ñu nonu loolay ciosan moy en principe non lañ waron la mais li feñ moy ni ma leen gisee ni moy xet gogol la kok mom moy zahir boba bu moy upp doole waaw boba legui ben possibilité moy am haqiqatan li ngay jundu ni mom lañu tuddé al muhadhar manam julli and ak nit yaangi deug julli ci ginnaw nit fekk manam en réalité da ngay julle ndo ak mom en fait du julli ci ginnaw nit manam da ngay julle ndo ak nit ni fekk yow sa julli bop ngay julli ñom ñu julli seen julli bop loolu moy al muhadhar manam ki da fay julli ni ki di julli ni manam ñu jégué wanto fekk bokku ñu li ñu def manam fekk julli wuñ ci ginnaw nit ki ki day julli abdullem ñeeri julli seen julli mais sauf que ku leen gis day fami yeena ngi koy defato parce que yeena julli ci ginnaw bon loolu nak buñ xolé haqiqatan ben jappal dalil bi nga xamantene mom la julli salatul muhadhar am ci texte sharia yi dalil bobu du dalilul qat'i manam du dalil buñu dogu manam pa ci min haythu subuti mais min haythu istidlal manam pa ci côté sax bi même ci côté sax bi sax au moment où du mutawatir ben mais manam mais ci côté où argumentation bi parce que ñu moy lan had moy hadithu moy biñu tuddé hadithu imamatu jibril hadith bobu lako borom xoxo bi tuddé rahmatullah alayhi non lako tuddé moy sayyidina jibril alayhi assalam gil ëlëk sa bimu waccé di jité yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam julli la manam bi julli waccé ci ëlëk bu ci ëlëk sa xam nga mom mo ñew di wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam nan ko heure bi moy heure julli djugal ñu daal di jox mu daal di japp ñu daal di julli manam sayyidna jibril sallam da doon julli yeen ci sallam julli ci ginnaw jour yoy manam waxtu julli bu nek day ñew ci njaal beenu julli gi après mu ñew ci ëlëk sa mu ñew ci finu julli bi après mu dal ko haadi ha muna ko haadi awqatu wala bu haadi awqatu salati han wala bok al awqat salati bayna zalika amna num ko waxe subhanahu rabbi ma hadha ma bayna hadhain al waqtayn wala ma bayna hadhain al waqt wala arno benen bi la do won munan ko hadha al waqt hadha al awqat khawma laka wal al anbiya min qablik wala bobu la soxlo won wala li moy waxti nga xamantene mom la yentif sa mom la borom bi defal yow ak yentif yi la jitu won mo bi nek ci sunan termizi rahmalahu bok ñom ñu am nak wala ma bayna zalika ma bayna hadaini wala al waqt wala mom li nek ci digeenti waxtu yi la legi lolu le fait que sayyidina jibril assalam don julli manam donc indiquer ñent yi yentif sallam julli ci ginnaw non mom la fuqaha maliki rahmatullah alayhi ne julli gogou julli wul won manam du neewon sayyidina jibril sallam mo doon julli ci manam moko doon jité li tax parce que sayyidina jibril sallam julli du farata ci mom alors que yentif sallam julli farata la ci mom manam kon non gis nga dalil manam kon ce qui veut dire que ni ben façon mo djuk moy lan moy salat muhadhab moy ne sayyidina jibril sallam da doon julli yentif sallam nek ci ginnaw di xol nu muy julli melni ku top ci ginnaw fekk mom bopam la doon julli manam da doon julli bopam mais bo xolé lolu lolu meuneuf nako parce que li tax lolu argument bi saxul manam limu bëgg wax moy zanni la manam luñu tek ci njort la du luñu tek ci lu dogu li lay wone luñu tek ci lu dogu du luñu tek ci njort moy possibilité dafa am possibilité le fait que deug la sayyidina jibril sallallahu alayhi wasallam lolu du farata ci mom julli du farata mais bu ko yalla ne demal nga jangal sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam julli day nek farata julli ko ba pare hadith bu mulu tudde imamata gis nga hadith imamata jibril imamam le fait que mu nek imam donc ce qui veut dire que ni déjà kon salat muhazar déjà ak saxam manam ci walu dalil rek déjà dafa am problème lool moy ben maintenant nak borom ko xam rahmatullah nam effectivement dañ ci soukandiko mu nak lo xamna dañ ko saxal au moment où manam mais dalil le quand même bo xamna zanni la mais zanni parce que ghalabatu zann la ta ghalabatu zann kal muhaqqaq lolu qaida usul yo la manam li upp ci njort day melni mok lu wor ñoo nuru legi kon bu fekente na saxna ke ni julli gog salat muhazar bobu saxna legi benen affaire moy dess moy fan lañ ko mëna appliquer est-ce que damay mënd di def buñ né ñoxor ndjay rek ma da def salat muhazar mi waaw wala def borom xoxom yi rahmatullah alayhim saxal nañ salat muhazar nga don nañ koy def mais dañ ko saxal ci ay cas de figure yo xamanteni yu précis la benn bi moy bu fekente ne damay ñew di julli gis ne par exemple imam bi masalan njappam dafa tok wala bok mom dafa faté japp té man buma fi nekké diko souligner problème bu reey la indi fitna la indi wowa damay ñew taxaw bañu souligner lool du julli comme non lool ben la ñaarel bi mom moy suma ñewé di julli par exemple ma dem ba ci biir gis ne par exemple amna lu yak julli imam bi lo xamne man xamna ko manam gis na lu yak julli imam bi comme par exemple awram feñ wala yu mel non ma meun na ber sama julli comme ni nga xamantene nonu la tay bu imam bi jullem yakko ci biir manam bu jappam toje ñaar fois mo am day indi kenen mu jité wala tout simplement mu lan mu bayyi kenn ku ci nek berse julli comme nonou rek bu boba ma verse ma julli man ci moment bobu lol boba da ma koy dal meuna def jangui def voilà muy cadre figure yoy ak cadre figure similaire dal ma yo xamantene yep day tourner autour de lol mais tanta waji ni xuma katcho la worul bu julle sama nangam nangam lolou xamuma kenn ci borom xoxom rahmatullah ko ko saxale nonu ci nu joye te bokku na ci li wonane mbir mi demewut nonu moy liñ wax ci ibn umar radhiyallahu anhu ak liñ wax yentou sallallahu alayhi wasallam waxon sayyidna abu zar radhiyallahu anhu parce que bu don lolou la da nga ko kon de man nga julli ji bu ko wax ne ko julli sa keur ba fay te hadith bi ci sahihi du ne ko kon da nga ko demal nga julli ji fofu bo deme nga julli ci ginnaw imam bi té moy julli ci ginnaw imam bi nga ber manam nga ber sa julli lolou la koy wax mais au moment où da nga ko demal nga julli ci mbolo mi ba paré mu nek nafila pour yow le fait mu ne ko nafila la day wone ni julli goko bax la lolou ben la benen bi ci dess mom moy le fait que wala bo par exemple imam bi manam tay par exemple nga ñew bay kabar di julli fek nga gis ne imam bi mom day yak ni muy julle manam day yak baati day yak ki be joy par exemple lool comme ñoro sank voilà boba ci biir rek ngay yene berse julli continue d'accord donc ci kay la voilà cadre figure yo la legui ni la koy li lay wone le fait que manam problème manam affaire yi amna manam ni muy démé non li lay wone do am amulo droit yow verse julli nonou rek moy li mu am rah radhiyallahu anhu ni buma ñëwé ci jakk ji par exemple bon lool benen côté la bu ñëwé ci jakk ji fekk nit ñi di julli fekk julléwul fajar julléwul ñaar rakay fajar mais fekk na gaay di julli suba mu ne man damay ber sama ñaar rakka gaaw julli doga dem dab mbolo mi manam lolou fan lañ ci ban côté moy istilal bi moy la su fekkon tane manam le fait que mu ber djullem non doga dem dabi ji mbolo mi moy wone mi manam munul retrait manam munul nek ko xamne day nek en retrait ci mbolo mi totalement manam di baña nek ak mbolo mi ci wir djulli mais mune damay genn dem djulli sama ñaar raka legui fi ci bit ginnaw jakkaji après ma dugg ci jakkaji djullendo ak nit ñi parce que le fait que xam nga motax djullendo manam ba paré et puis lool di indi nono ci bir nit ñi manam tout temps nga manam vous mieux nga baña dem nga tok ci au moment où yow parce que bu mu la jité la kon bu dem ci jakkaji nga djulli sa keur parce que salatul muhazat gisuma kenn ci borom xom xom yi rahmatullah alayhim ku wax ne dañ koy def ci cadre figure yoy gisumako kenn ci borom xom xom yi rahmatullah alayhim ku wax ne way bu fekente ne imam bi neexula manam imam bi rawati ne yeenu bokk koñ manam yow tu es obligé chaque jour ngay dem te pourtant do julli ci ginnaw ala rigueur nga def koy comme li bisé li imam ahmad defo rahmalahu ak yahya ibn ma'in rahmalahu manam moy nga am ko jité au moment où borom xom xom rahmalahu même ci ngir bi même ci tariqa bi ñu mag ñi ci ñom wax nañ ne manam comme imam an-nadhifi radiyallahu anhu ne manam lolu ba paré bi ko indé dako argumenter ci buntu bobu ci durata kharida suma djum mom mo tambali ñentelu djukki bi wara ñettel bi masala bobu ne ki nga xamantene mom moy moy nit ki julli ak jité wa kërëm sax mom moy daali gën mu dem ci mbolo bu su fekkete na wa kërëm duñu am mbolo ñom fo inshallah ban ñom ñu yékkal ko du yékkal ko wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi wa bihamdihi wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.